بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات. D'abord et avant tout, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans nos intentions et dans nos actes et nos paroles, ainsi de nous accorder العلم النافع, la science bénéfique, والعمل الصالح, et la pratique faite selon la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mawdou'u al-hadithi ma'akum al-yawm huwa mawludi mawludu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sunnah wa bid'atu al-ihtifal bil mawlid al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadithuna sayakunu hawla al-anasir al-taliya. Al-unsur al-awwal أحوال الناس قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته والعنصر الثاني الآيات والأحداث التي ظهرت ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والعنصر الثالث والأخير إن شاء الله عن حكم الاحتفال بمولد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. Donc aujourd'hui le sujet va porter sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna et la bid'a de célébrer la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler de ce sujet en trois temps. Dans un premier temps, la situation des gens, nous allons voir la situation des gens, et en particulier des Arabes et des gens de la Mecque, avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Deuxièmement, on va voir les événements et les signes apparus pendant la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement et finalement, on va voir quel est le jugement juridique que dit l'islam sur le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est sunna ou est-ce qu'il n'y a aucune origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Awalan, ahwalun nasi wa ahwali ahli Makkah قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مولده. الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين يتقلبون في ظلمات الشرك والكفر والظلم والجهل. أي كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. Pour ce qui est de la situation des gens, avant la venue du prophète sallam et avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens vivaient dans un égarement total, dans un égarement manifeste. Ils étaient tombés dans les ténèbres de l'associationnisme, dans les ténèbres de la mécréance, dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres de l'injustice. les gens étaient dans l'ignorance totale et dans l'égarement aveugle. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأحوال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول تعالى في آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même nous décrit la situation de l'humanité et la situation des gens de la Mecque en particulier dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a envoyé chez les analphabètes un prophète parmi eux qui récite sur eux les signes d'Allah. Et qui les purifie, et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, nous fait la même description, en nous rappelant le bienfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le sens du verset, Allah a comblé les croyants, en envoyant un prophète parmi eux. Il leur récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur enseigne le livre et la sagesse et il les purifie alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Voilà pour ce qu'il y est du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la description de l'humanité et des Arabes en particulier avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma fi sunnah fa fi sahih muslim عن عياض ابن حمار رضي الله عنه يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأحوال الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. الناس كانوا في جهل. ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرموا عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أي الشياطين أن يشركوا بي ما ليس لهم أو ما لم أنزل به سلطانا وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Iyad ibn Himar. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une description de la situation des hommes avant sa venue et des Arabes en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith « Oui, mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignoriez. » Les gens vivaient dans l'ignorance de ce qu'il m'a enseigné aujourd'hui. Ainsi Allah Azza wa Jal a dit, et là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle dans ce hadith, tout bien concédé à un de mes serviteurs lui est licite. Et j'ai créé mes serviteurs fidèles, soumis, mais les démons, les diables, les ont emportés et les ont détournés de leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire dans le hadith, je leur ai interdit, ou plutôt, ils leur ont interdit, les shayatins ont interdit aux gens ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Et ils les ont exhortés à associer avec Allah subhanahu wa ta'ala ce dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a descendu aucune preuve. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala finit, dans le hadith, le prophète finit par la parole suivante. Il dit, Allah a regardé les gens de la terre et les a détestés tous, à l'exception des derniers gens du livre. Wa huwa as-sahabiyyul jalil Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu يصور لنا أحوال الناس في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى الحبشة فيقول للنجاشي واسمعوا وتأملوا أحوال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الملك يقول جعفر رضي الله عنه أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونشرب الخمار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله سبحانه وتعالى إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله سبحانه وتعالى لنوحده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأصنام هكذا كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والحديث رواه مسلم. Maintenant, regardons la description que nous fait Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsque celui-ci est parti en Éthiopie avec un groupe de musulmans pour faire la hijra, il parle avec Malik al-Habasha, avec le roi, et lui fait la description des Arabes, des Arabes avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô roi, nous étions un peuple, nous vivons et nous faisions partie de la jahiliya. Nous adorons les idoles, nous mangions la charogne, nous pratiquions les turpitudes et l'adultère. Nous rompions les liens de parenté. On maltraitait mal nos voisins. Le plus fort d'entre nous mangeait le plus faible d'entre nous. Pas de pitié. Et nous cessions de vivre de cette manière jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un prophète parmi nous. Nous connaissons sa généalogie, son honnêteté, son respect du dépôt et sa chasteté. Il nous a ordonné à n'adorer qu'Allah et à lui vouer un culte exclusif et de délaisser l'adoration de toute chose en dehors d'Allah, que ce soit des idoles ou que ce soit des pierres. Nous connaissons, il nous a ordonné, il continue de dire, il nous a ordonné bisitq al-hadith, d'être véridique dans nos propos, de restituer le dépôt, al-amana, de maintenir les liens de parenté, de respecter les voisins, de s'abstenir de commettre des péchés et de diffuser le sang. Et il nous a interdit toute forme de turpitude. Et le faux témoignage est d'abuser des biens de l'orphelin, ainsi que de faire des accusations fausses sur les femmes chastes et vertueuses. Le hadith est rapporté par l'imam muslim. Tout cela démontre dans quelle mauvaise situation et à quel niveau de débauche étaient plongés les gens de l'époque. Les gens à l'époque de la Jahiliya, avant la venue de l'islam, aussi bien dans les relations avec leur Seigneur, si bien au niveau de la croyance et de la religion, qu'aussi bien au niveau des relations des hommes les uns envers les autres. Le sang, il était versé. Les biens étaient spoliés. L'honneur était bafoué. Les hommes avaient atteint le comble de l'ignorance et le summum de l'égarement. Voilà l'aperçu de l'époque de la Jahiliya. Et à travers les hadiths qu'on a cités, et avant ça, les versets qu'on a cités, on peut deviner dans quelle ambiance étaient plongés les hommes et les habitants de la terre. La religion à leurs yeux était devenue confuse. L'ignorance et les ténèbres se sont implantées à une époque où il n'y avait plus de compassion, où s'était répandue sur terre l'injustice et la haine. Lisez les livres de Sira. D'ailleurs, les historiens sont tous unanimes pour affirmer que l'humanité en général, et les Arabes en particulier, vivaient dans les ténèbres de l'ignorance et de l'injustice. La décadence a se manifesté dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social et surtout et avant tout dans le domaine religieux, dans le domaine de la croyance. Injustice, humiliation, guerre, racisme, alcool, meurtre, adultère, ignorance, péché, idolâtrie, voilà ce qui résume en gros la situation de la Jahiliya avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les mauvaises habitudes des Arabes de l'époque, on va citer quelques-unes pour que chacun d'entre nous se fait une image et un aperçu de l'époque de la Jahiliya et de l'époque avant la venue de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, les jeux de hasard étaient en vogue chez les Arabes et dans la péninsule arabique. Les boissons alcoolisées, c'était des très grands consommateurs de boissons alcoolisées. Les riches, les notables, les poètes, les cultivés, soi-disant, ils se réunissaient lors de réunions et consommaient en masse l'alcool. C'est pour ça que plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans le Coran, « Ya ayyuha alladina amanu, innama al-khamru wal-maysiru, والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, regardez, cet appel est dirigé vers les croyants. Comme Abdullah ibn Mas'ud disait, lorsque tu entends ce verset, sache que c'est un ordre d'Allah que tu dois exécuter ou une interdiction d'Allah que tu dois t'en éloigner. Pense ton oreille et ouvre ton cœur, dit Abdullah ibn Mas'ud. Ô vous les croyants, l'alcool, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination sont des abominations et des œuvres du diable. Écartez-vous-en afin de réussir et d'être parmi les gagnants. Aussi, parmi les pratiques, les mauvaises habitudes de l'époque, il y avait le mariage pour aligner, pour améliorer la lignée. Pourquoi je raconte ça? Pour qu'on s'imagine un petit peu l'état dans lequel le prophète sallam il est venu. Aïcha radiallahu anha, comme l'imam Bukhari rapporte dans le Sahih, nous dit, il y avait à l'époque de la Jahiliya quatre sortes de relations conjugales. La première, Aïcha dit, c'est celle du mariage qu'on connaît en islam. Un prétendant se présente, demande la main Wali, et moyennant une dot, le mariage se fait avec d'autres paramètres et d'autres conditions et d'autres obligations. Ça, c'était le premier forme. C'est le bagage que l'islam a apporté et qui existait, plus ou moins, pendant la Jahiliya. Mais un des mariages qui était répandu, c'était par exemple le mari envoyait sa femme après s'être purifiée. Et lorsqu'elle était en période d'ovulation, il l'envoyait chez un noble. Et sa femme avait des relations avec cet homme. Et lorsque sa femme revenait, l'homme ne touchait plus son épouse, jusqu'à ce qu'il constate l'état de grossesse. Et après cet état, s'il voulait avoir des rapports avec son épouse, il pouvait avoir des rapports avec son épouse. Tout cela pourquoi ? Il recherchait quoi dans tout ça ? Il recherchait, le but c'était d'avoir une race noble. Avec le zina, il voulait avoir une race noble, avoir la semence d'un notable de la Mecque. Aussi, Aïcha nous dit, et c'est le dernier forme conjugale que je vais citer, à l'époque elle dit il y avait une autre forme de relation conjugale. Elle disait, une dizaine d'hommes se rassemblaient pour entrer chez une femme qui était en période d'avoir un enfant, après ses règles. Et ils avaient des rapports sexuels avec cette femme. Et si cette femme tombait enceinte, elle les convoquait tous et choisissait parmi eux le père de l'enfant et elle choisissait l'homme le plus riche et l'homme le plus noble. Et l'homme ne pouvait pas refuser. Regardez l'état dans lequel étaient tombés les gens à l'époque dans la Jahiliya. Les filles étaient enterrées vivantes, craignant le déshonneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُوِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché a-t-elle été tuée. Aussi, parmi les mauvaises pratiques de la Jahiliya, il y a l'assassinat des enfants des deux sexes en période de famine, ou en période de sécheresse, ou tout simplement par peur de la faim. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ça dans le Coran. Il dit wala taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa iyyahum. Dans le Coran il dit, et ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. C'est nous qui subvenons à votre subsistance ainsi qu'à vos enfants. Et aussi, parmi les pratiques, les mauvaises pratiques de l'époque, c'est tabarruj, le paraître des femmes à l'extérieur de la maison. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ne vous exhibez pas à la manière des femmes de l'époque de la Jahiliya. C'est-à-dire la femme sortait, parfois elle sortait en montrant ses parties. Parfois elle sortait nue et elle faisait le tawaf autour de la Kaaba. Ça c'était l'état de la Jahiliya qui nous est cité dans le Coran et qui nous est cité dans les hadiths et dans les livres de Sira. Ceci dit, pour ne pas être injuste avec les Arabes de l'époque, il faut signaler que les Arabes de l'époque avaient des qualités, et c'est pour ces qualités-là, entre autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisies. Parmi lesquelles, la sincérité. C'était des gens très sincères. C'était aussi le respect d'engagement. Et la volonté, la résolution et la générosité. C'était juste une petite parenthèse. فَبَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ والنور فأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات البدع والخرافات إلى نور السنة قال الله تعالى قد جاءكم نور قد جاءكم نور وكتاب من الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى à ce moment-là, Allah a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la religion, avec la vérité, avec la lumière. Et par la grâce d'Allah, le prophète sallam a sorti les gens des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière de l'unicité d'Allah. Des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi. Des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science et des ténèbres, des histoires à dormir debout et des innovations vers la lumière de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ça dans le Coran et il dit une lumière en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un livre en parlant du Coran, une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Par ceci, Allah subhanahu wa ta'ala guide au chemin du salut ceux qui recherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce et il les guide vers un droit chemin. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله خيرا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a transmis le message d'Allah. Il a accompli sa mission. Il a averti les gens. Il a dissipé la tristesse et l'anxiété des gens. Il a combattu et fait des efforts dans la voie et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à sa mort, et après sa mort, et même avant sa mort, il a laissé les gens sur une voie claire de jour comme de nuit, ne s'en écarte que celui qui recherche sa perte ou que celui qui recherche son égarement. Et par son message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu libérer l'humanité. Il n'est pas venu seulement libérer les gens de Mecca, ou les gens de Yathrib, ou les Arabes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour libérer l'humanité. Pierre, Paul, Jack, John, Chong. Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu pour libérer l'humanité, répandre le bien et diffuser la lumière. Il a ouvert des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la situation catastrophique dans laquelle était l'humanité avant l'arrivée du prophète et comparée avec la situation dans laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé les hommes à sa mort. Et sachez que cette jahiliya, qui, les ulama la définissent comment, ils disent la jahiliya, c'est une période où il n'y a plus de kitab ni de nabi, il n'y a plus de livre d'Allah ni de prophète. Et bien cette période a disparu, s'en est partie avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la descente du Coran al-Karim. On ne peut plus dire aujourd'hui que nous sommes dans la jahiliya. Par contre, aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'éloignement des musulmans et des musulmanes, du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la voix des sahaba et des salaf salih, on voit apparaître dans la communauté des points qui font partie de la jahiliya. Et ça, on peut dire. Les ulama disent, la jahiliya est présente à tel endroit et pas dans l'autre. La jahiliya est présente chez telle personne et pas chez une autre. Mais la jahiliya totale, complète, elle a disparu par la grâce d'Allah, parce que le livre d'Allah est préservé, la sunna d'Allah est préservée, et il y aura toujours un groupe qui sera sur la vérité du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la jahiliya, ou les points de la jahiliya, umur wa masail jahiliya la zalat mawjouda. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyati al oula. Et ne vous exhibez pas à la manière de la jahiliya, des femmes de la jahiliya. Malheureusement aujourd'hui, tu trouves chez les musulmans les femmes qui sortent à la manière de la jahiliya, et chez les non-musulmans c'est pire encore. Qu'Allah guide tout le monde. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير اخاه فيقول يا ابن السوداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه انك مرء فيك جاهليه. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a entendu un homme insulter quelqu'un d'autre, insulter la mère d'un autre homme, en lui disant au fils de la négresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et lui a dit: tu as insulté sa mère, tu es une personne avec de la jahiliya en toi. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une ghazawat, s'était passé une dispute entre les muhajir et les ansar, un des muhajir a dit ya lil muhajirin, et quelqu'un des Ansar a dit « Ya lil Ansar !» Chacun a appelé son camp. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a dit « Abi da'watil jahiliyati wa ana bayna adhurikum da'ouha fa innaha muntina » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit « Vous faites appel, vous faites référence à la da'wa de la jahiliya, c'est-à-dire les clans. Comment aujourd'hui tu vas trouver ? Moi je suis marocain. » Moi je suis algérien, moi je suis saoudien, moi je suis chinois, moi je suis sous, moi je suis rif, moi je suis chaoui, moi je suis kabyle. C'est des choses qui existent et que les kuffars utilisent pour diviser encore la umma. Hadihi da'watul jahiliya. Le prophète a dit, délaissez-la, ces appellations, car cette appellation est mauvaise et sans mauvais. وقد يقول القائل ما الداعي الى ذكر مسائل الجاهليه ما دامت الجاهليه قد زالت وانتهت ونحن مسلمون ولله الحمد. Certaines personnes pourront dire ou peuvent dire, quel est l'intérêt d'évoquer l'époque de la jahiliya, et pourquoi étudier la jahiliya, pourquoi écrire un livre qui s'appelle Masailul Jahiliya allati khalafaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ahlaha, les points de la jahiliya et la divergence du prophète avec les gens de son peuple par rapport à ces masail de la jahiliya. Pourquoi parler de ça alors que, comme on a dit tout à l'heure, la jahiliya n'existe plus et que alhamdoulillah on est des musulmans. نقول الداعي لهذا أمران. الأمر الأول الحذر الحذر من الجاهلية، فإنه إذا عرفها المسلم فإنه يحذرها أو يحذر منها، أما إذا جهلها ولم يعرفها فإنه قد يقع فيه يقع فيها. ويقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لا يعرف الشر يقع فيه. والأمر الثاني أن المسلم إذا عرف الجاهلية عرف فضل الإسلام، أليس كذلك؟ والله بلى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك، اسمعوا اسمعوا هذا القول، يوشك أن تنقض عروة الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles on doit connaître la jahiliya? La première, c'est que lorsque tu connais la jahiliya, c'est pour al-hadharu minha, prendre garde de la jahiliya. Parce que celui qui connaît les dangers de la jahiliya sera la personne la plus loin de la jahiliya. Alors que celui qui ne connaît pas la jahiliya, par ignorance, il peut se retrouver dans des points de la jahiliya. Comme le poète a dit, j'ai appris le mal à connaître le mal, pas pour faire le mal, mais pour m'en préserver. Celui qui ne connaît pas le mal du bien pourra tomber dans le mal. Et la deuxième raison pour laquelle il est bon de se rappeler la jahiliya et de connaître la jahiliya, c'est que lorsque la personne connaît la jahiliya, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits de l'islam. Parce que sans cet islam, nous serions dans cette jahiliya. Écoutez la parole de Omar ibn Khattab. Il disait, bientôt, c'est difficilement traduisible, bientôt, l'islam va disparaître petit à petit. À quel moment? Il dit, lorsque il y aura des gens qui vont grandir sans connaître la jahiliya. Parce que tu ne connais pas la jahiliya, tu fais des choses de la jahiliya par ignorance. Ce propos ne veut pas dire, il faut passer par la jahiliya, faire les 400 coups, comme ça à la fin, je dis c'est bon, je connais la jahiliya de non la jahiliya. C'est pas ça, c'est l'étudier à travers les livres des savants, à travers le livre du Coran. Le Coran, à travers la Sunna du Prophète sallam et la parole des savants. Voilà pour le premier point. Voilà pour ce qui est de l'état et de la situation des hommes avant la venue du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que nous disons Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha ni'ma. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de l'islam et l'islam comme bienfait nous suffit. Thaniyan, al-unsur thani min hadha الحديث أن الآيات والأحداث التي ظهرت أو أظهرت وقعت ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. On va parler maintenant de certains événements et de certains miracles ou de signes qui sont apparus la naissance dans la nuit de la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بلا خلاف بين أهل العلم والأكثرون على أنه ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهذا محل خلاف بين أهل التحقيق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل وهذا هو المجمع عليه. عن قيس ابن مخربة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل والحديث صححه الألباني رحمه الله. Donc notre prophète صلى الله عليه وسلم, et c'est pas quelque chose de nouveau que je vais vous dire ou quelque chose que vous ignorez, il est né orphelin un lundi, le lundi du mois de Rabi' al-Awwal. C'est exactement le mois dans lequel nous nous trouvons. Et ceci ne fait aucune divergence entre les savants. Ce qui fait divergence entre les savants, c'est quel jour est-il né dans le mois de Rabi' al-Awwal. Beaucoup de savants ont dit il est né le 12e de Rabi' al-Awwal. D'autres ont dit le 8e, d'autres ont dit le 2e jour, d'autres ont dit le 6e. Ou bien une divergence sur le jour de la naissance du Prophète. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est né lundi et le mois de Rabi' al-Awwal. Et aussi, et ça c'est la preuve, il est rapporté dans le Sahih Muslim, d'après Abi Qatada al-Ansari, il dit, un bédouin est venu interroger le prophète sallam à propos du jeûne du lundi. Le prophète sallam lui a dit, ce jour-là, le lundi, c'est le jour où je suis né, et c'est aussi le jour sur lequel la révélation est descendue. Et à titre indicatif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort aussi un lundi. Sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu l'année de l'fil, l'année de l'éléphant. Comme c'est cité dans sourate al-fil, dans le Coran al-Karim. D'après Qais ibn Mikhraba, il a dit, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes nés la même année, l'année de l'éléphant. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Ja'a nafarun min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, faqalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, akhbirna an nafsik. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه الصلاة والسلام والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. Et des gens sont venus voir le prophète صلى الله عليه وسلم parmi les compagnons. Ils ont dit, رسول الله, donne-nous des informations te concernant. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, je suis le fruit de l'exaucement, si on dit comme ça, de l'accomplissement de la dua de Ibrahim. Et aussi, je suis la bonne annonce, la bonne nouvelle faite par le prophète Isa alayhi salam. Et le hadith est authentique. Fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ana da'watu abi Ibrahim, ta'alaw bina, يا إخوة الإسلام لنستمع إلى إبراهيم هناك عند الكعبة وهو يدعو بهذه الدعوة. يقول الله تعالى في كتابه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إن وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم قال وهذا الشاهد من الآية وقال ربنا وابعث فيهم أي العرب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Concernant la parole du prophète sallam lorsqu'il dit je suis le fruit de l'accomplissement de la dua de Ibrahim. Regardez ce que Ibrahim alayhi salam a dit lorsqu'il construit avec Ismaïl al-Ka'ba. Allah Azza wa Jal dit dans sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ils dirent, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Ô notre Seigneur, fais de nous des musulmans, des gens soumis, ainsi, et de notre descendance, faisant une communauté soumise. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Et ensuite il dit, ô notre Seigneur, ô Allah, envoie l'un des leurs parmi les Arabes, comme envoyé parmi eux pour leur réciter les cités signes, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومرت الأيام ومرت الأعوام وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وبعث في الأميين أي في العرب رسولا منهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى آخر الآية. Et après la vocation de Ibrahim alayhi salam et de Ismaïl, les mois sont passés, les siècles sont passés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé la vocation de Ibrahim. Et effectivement, par la grâce d'Allah, un prophète est sorti de la contrée de Mecca parmi les Arabes. Et ce prophète, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi qawlihi wa bushra Isa. فها هو عيسى عليه الصلاة والسلام يبشر أمته برسولنا صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يخبرنا بذلك في كتابه فيقول وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد وأهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون ذلك وكانوا ينتظرون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلما خرج من العرب حسدوهم على ذلك ولا زالوا يحاسدون أنفس المسلمين على هذه النعمة وكفروا به فقال تعالى فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant de lui-même, je suis la bonne nouvelle faite par Isa alayhi salam, ça fait référence à la parole d'Allah dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque Isa, le fils de Maryam, a dit, ô fils d'Israël, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur, pour confirmer ce qui est venu dans la Torah. Pour annoncer la venue d'un prophète après moi, dont le nom sera Ahmed. Et les gens du livre, que ce soit les juifs en premier et les chrétiens, attendaient à l'époque la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux attendaient la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque ce prophète est sorti, et c'était un arabe, c'est sorti un arabe, ils n'ont pas accepté, et ils ont été jaloux, et ils ont refusé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et quand vint ce prophète avec des preuves évidentes, ils dirent ceci est une magie manifeste. Il attendait, et au final ils ont dit de lui, c'est une magie manifeste. وأما الآيات التي ظهرت ليلة مولده صلى الله عليه وسلم فنذكر منها ثلاث. Quant aux signes ou aux événements qui sont arrivés la nuit de la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم, on va en citer trois. أولا عن حسان ابن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كلما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ ينادي بأعلى صوته في يثرب يا معشر يهود يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا ويلك مالك قال طالع الليلة نجم أحمد الذي ولد فيه قال الشيخ الألباني إسناد هذا الحديث صحيح. D'après Hassan ibn Thabit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit et il jure par Allah, il dit j'étais encore un enfant de 7 ou de 8 ans et il dit je me souviens de chaque parole qui a été dite à ce moment. Il dit j'ai entendu un juif, un homme parmi les juifs, à Yathrib, appeler sa tribu et dire « Oh, vous les Juifs !» Et lorsque les gens se sont réunis autour de lui, ils lui ont dit « Malheur à toi, qu'est-ce qui se passe ?» Et il leur a dit « Cette nuit, l'étoile de Mohammed, avec laquelle Mohammed s'est va venir, est arrivée. » L'étoile de Mohammed, de Ahmed, avec laquelle il va naître le prophète sallam, est arrivé. Il y a une étoile qui est venue avec la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici le premier événement. Al-Hadath al-Thani an Usama ibn Yazid qala Zayd ibn Amr ibn Nafiz qala li hibrun min ahbar al-Sham qad kharaja fi baladika نبي وهو أو سوف يخرج يقول قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه قال الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية إسناده حسن aussi أسامة رضي الله عنه rapporte que Zayd ibn Amr ibn Nufayl, c'était le seul arabe avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était resté sur le tawhid, qui était resté sur la voie de Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Lorsqu'il est parti, il nous dit, lorsqu'il est parti dans un voyage au Shem, un des rabbins parmi les rabbins du Shem lui a dit: de ton pays est sorti un prophète, ou bientôt de ton pays va sortir un prophète. Retourne, car son étoile est sortie et il va bientôt arriver. Retourne, crois en lui et suis-le. Deuxième événement qui était arrivé la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-hadath al-thalith. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'at ummi حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام والحديث مذكور في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني. Le troisième événement qui est arrivé la nuit de la naissance du prophète sallam, il est rapporté par le prophète sallam lui-même. Il dit: lorsque ma mère m'a mis au monde, elle a vu jaillir d'elle une lumière lui éclairant les palais de Shem. قال ابن رجب رحمه الله وخروج هذا النور اسمعوا وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وأزال به ظلمة الشرك منها. ابن رجب رحمه الله dit: et l'apparition de cette lumière à la naissance du prophète sallam, c'est une indication de la lumière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir et avec laquelle vont être éclairés les habitants de la terre et avec laquelle les ténèbres de l'injustice, les ténèbres du shirk vont disparaître. Et il y a beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça. Il dit: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ. Il vous est venu d'Allah une lumière et un livre explicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset dit: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مِهِ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui croiront en lui, en parlant du prophète, le soutiendront et lui porteront secours et le suivront et suivront la lumière descendue en lui, ce sont ceux-là les gagnants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset dit: Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur et comme avertisseur et comme appelant les gens envers Allah et comme une lampe éclairante. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un adversaire dit: ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leurs paroles, mais Allah va faire éclater, va parachever sa lumière, même si les kuffars ne sont pas contents. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire en disant, et c'est lui qui a envoyé son prophète avec al-huda, la guidée, et avec la vraie religion, pour qu'elle triomphe sur toute autre religion, même si les kuffars, les mushrikoun, les associateurs ne veulent pas. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أضاء له قصور الشام. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que lorsque sa mère est née, lorsqu'il est né, il a jailli de sa mère une lumière qui a illuminé les palais du Sham. Il dit قال ابن كثير رحمه الله وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان دار الإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم في الناس بشريعة الإسلام ولو كره الكافرون. Ibn Kathir, rahimahullah, à propos de cette parole, en disant que la lumière va éclairer les palais de Shem, il dit pourquoi dans ce hadith-là il est fait référence à Shem et pas à un autre endroit. Il dit il y a une indication dans cela au fait que l'islam va s'implanter et restera ferme dans Bilad Shem, et c'est pourquoi les pays de Shem, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Jordanie et une partie de l'Irak, c'est ce qu'on appelle Hashem. Il dit, Ibn Kathir, c'est pour ça que Hashem, à la fin des temps, sera le refuge de l'islam et des musulmans et de la religion. Et c'est à cet endroit que descendra Isa alayhi salam. C'est là que se dérouleront les événements. Et c'est là que Isa, à partir de là, il cassera les croix et il tuera les porcs et il mettra en place al-jizyah et il va juger avec la sharia d'Allah. Ça c'est une nouvelle fête aux non-kuffars qui n'aiment pas la dawla islamia, qui n'aiment pas la sharia. Sachez, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous aussi, inshallah pour eux, qu'à la fin des temps, il y aura la dawla avec laquelle on jugera avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière complète. Et il y a d'autres événements à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont cités par l'imam Tabari, qui sont cités par l'imam Al-Bayhaqi et qui sont cités par d'autres savants. Cependant, il n'y a rien de net, ni rien de fixe, de sûr sur ces hadiths. Vous avez certainement déjà lu et entendu ces événements, mais il n'y a rien qui puisse dire que ces hadiths sont vraiment authentiques. Et je vous invite à revoir ce que je viens de dire dans le livre de Sheikh al-Mubarak Fouri, dans Al-Rahiq al-Makhtoum, et le livre de Sheikh Nasr al-Din al-Albani, dans Sahih Sira al-Nabawiyya. Voilà pour ce qui est des événements avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, thalithan wa akhiran, حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Quel est le jugement concernant le fait de célébrer la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام من شهر ربيع الأول يحتفل كثير من المسلمين بل عامة المسلمين وعوامهم في مشارق الأرض ومغاربها وحتى هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إما مضاهاة للنصارى في احتفالهم لميلاد عيسى وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا. Et ces derniers jours, comme on l'a peut-être, certains d'entre vous ont constaté, et comme c'est le cas tous les ans, pendant le mois de Rabi' al-Awwal, beaucoup de musulmans, dans les pays musulmans ou dans, tout partout sur terre, ils célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit en imitant les chrétiens, parce que les chrétiens eux-mêmes célèbrent la naissance de Issa, ou soit, et plus souvent, les gens qui font ça aujourd'hui, c'est par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par amour. Et ça, par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. واعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ولا بمولد غيره من الانبياء والصالحين ولم يحتفل به الخلفاء الراشدون ولا الانصار ولا المهاجرون ولا التابعون لهم باحسان كما لم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب المذاهب الاربعه من الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مع أن هؤلاء جميعا والله ثم والله كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر تعظيما له منا بلا خلاف بغير شك وكانوا أعمق الناس علما وفهما منا وهم على الخير كانوا احرص الناس منا. Et sachez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais célébré sa naissance ni la naissance des prophètes venus avant lui. De même que Abu Bakr, Omar, Ali et Uthman avant lui n'ont jamais célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que tous les compagnons, les Ansar, les Muhajirin, et aussi les Tabi'in, ceux qui les ont suivis avec perfection, et aussi les quatre imams, l'imam Abu Hanifa, ou les imams des quatre madhab, parce qu'il n'y a pas, que eux comme imams, les imams des quatre madhab, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Malik, rahimahullah, rahimahumullah, n'ont jamais, jamais célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il ne fait aucun doute qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous. Ils grandissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam mieux que nous. Et ils avaient une connaissance et une compréhension de l'islam plus profonde que nous. Et ils nous devançaient dans le bien plus que nous. Et pourtant, jamais vous ne retrouverez de traces sur le fait qu'ils ont célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma al-ihtifal bi mawlid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa mata dhahar hadatha mawlid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dawlati bani ubayt min ash-shi'ati al-fatimiyyah ar-rafidah ba'd al-qarn ar-rabi' fi misr. À quel moment est apparue la célébration du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'histoire des musulmans? C'est arrivé pendant la période de l'état de Bani Ubayt, qui était sur la voie des chiites et qu'on appelle dans le livre d'histoire les Fatima, les Fatimiyah, les Fatimides en français. Et c'est exactement arrivé après le 4e siècle, en l'an 362. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man ahdatha fi amrina ma laysa alayhi fahuwa rad. Wa qala Hudhayfa radiyallahu anhu, wa huwa a'lamu an-nas bil fitan, wa wallahi innaha fitna. Yaqul kullu ibadatin لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا رضي الله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il dit celui qui innove dans notre religion, qui apporte quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant, eh bien cette chose sera rejetée. Et Hudayfa radiallahu anhu disait tout culte, toute adoration que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas observé, ne l'observez pas. Et il dit sachez que le premier n'a rien laissé à penser pour le dernier. Et Omar ibn Abdelaziz disait, écoutez cette parole, il disait, Qif, arrête-toi, là où les gens avant toi se sont arrêtés. Il parle des compagnons, radiallahu anhu. Arrête-toi, là où les gens avant toi se sont arrêtés. Parce que c'est avec science qu'ils se sont arrêtés. C'est pas ils sont arrivés au bout. Et ils voulaient continuer, non, ils se sont arrêtés avec science. Donc comment eux, avec science, se sont arrêtés? Et malheureusement aujourd'hui, certains musulmans, avec ignorance, eux ils continuent et ils avancent. وَعْلَمُوا أَنَّ مَحَبَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّمَا تَكُونُ بِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالتَّمَسُّكْ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابُهُ الْكِرَامُ وَبِعَدَمِ Et sachez que le musulman il a le droit de manifester son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas interdit. Les savants n'ont pas dit que c'était interdit. Mais manifester ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avant tout dans le fait de suivre sa sunna, dans le fait de s'attacher à ses enseignements et à la voix des compagnons radhiyallahu anhum. Et avant tout, aussi dans le fait d'être loin de toute innovation religieuse et d'être loin de toute transgression par rapport au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, on va terminer avec ça. يقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, dans surat Ali Imran, il dit, dis, ô Muhammad, transmets, dis, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, si vous prétendez aimer Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّبِعُونِ, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, Allah vous aimera. Ainsi Allah vous aimera. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, et il vous pardonnera vos péchés. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, Allah est celui qui pardonne et miséricordieux. اسمعوا إلى قولي الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نصف الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حتى قال ابن كثير رحمه الله وقال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف قالوا عن هذه الآية زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله لهذا سمى العلماء هذه الآية بآية الامتحان وآية الاختبار. Donc dans ce verset, je vais le répéter, Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah vous pardonnera, Allah vous aimera et il vous pardonnera, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Kathir dit, ce verset est une sentence, c'est une sentence, contre quiconque prétend aimer le prophète et qui n'emprunte pas, quiconque prétend aimer Allah et aimer son prophète, et qui ne suit pas la voie prophétique. En réalité, pareil homme ne ment qu'à lui-même. C'est un menteur, il ment, jusqu'à ce qu'il se résigne à suivre la loi du prophète et sa religion, dans ses paroles et dans ses agissements. Et il rapporte la parole de Hassan al-Basri et d'autres parmi les savants concernant ce verset, il dit ce verset est descendu sur des gens qui prétendaient aimer Allah subhanahu wa ta'ala et aimer son prophète. Et Allah les a testés en disant que si vous aimez Allah, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, هذه يعني بعض وقفات حول الحالة التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي وقعت في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الإسلام في هذا الاحتفال الذي يحتفل به كثير من المسلمين. Donc c'était un propos sur la situation des gens avant l'islam pour qu'on compare aujourd'hui lorsqu'on s'éloigne de l'islam où peut-on tomber et pour remercier Allah pour le bienfait de l'islam et aussi pour nous rappeler un événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sa naissance. Dès le départ, dès la naissance du prophète, c'était déjà une rahma pour l'humanité. Déjà. Le prophète n'est pas encore homme, n'est pas encore prophète, que la rahma d'Allah commence déjà sur terre. Et finalement, c'est un rappel pour nous et pour des musulmans qui a ici et là-bas célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois par ignorance, en pensant que ça fait partie de la religion d'Allah. Et ils pensent manifester leur amour par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un rappel pour dire, c'est pas comme ça qu'on aime notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est en suivant la religion avec laquelle il est venu, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la voie à suivre, bien sûr toujours selon la voie des compagnons radiyallahu anhum et des salaf salih. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.